La musique populaire aujourd'hui ne se fait plus de la même façon. Les musiciens performants sont trop souvent remplacés par des ordinateurs. Mais consolons-nous en nous disant que les plus grandes œuvres ont été faites à l'époque, Je balance la poudre sous le nez du fils, et si je suis arrogant, c'est que le diable me pousse vers l'élégance. Unique avertissement, le bien du haut de l'hostilité. Hypertin, j'ignore l'humilité. À quoi ça sert de crier au loup quand tu peux partir? Martyr, à vos marques, préfeu, ça tire. Les faux satures, les bits, ça tue. Reste aussi, le chavire pas, ou sinon ça tue. Quête nos statuts, loin d'être en liberté. Sa galope, c'est cesse d'être en I comme la liberté. Terroriste, être impalpable, voici le chat noir. Mais les cochachas, j'en veux de son chat noir. Noirci, la vision du mag Marcel. Me fais pas chier, surtout quand je suis en Marcel. Artistique, y'a flow, la tout boya. J'arrive lourd sur la piste, tire avec un gros calibre. Va falloir brouiller les pistes, une fois mort on se met en livre. Livre, ta dose au client, avant de partir, une dernière balle je tire. Fous les putes dans le coffre de la rire. Lourd sur la piste, tire avec un gros calibre. Va falloir brouiller les pistes, 9-2-9-4 Holster, F2R, KRM, la tubeur. Ban lyrics, full egg, 2005 on dit quoi. Mes mots au micro c'est comme un uppercut qui atteint toujours son but. Mais en but sur ce beat, y'a toujours ces rageux qui critiquent, qui vont se prendre un coup de cric dans le nez. Si tu te fais atteigner, je m'en sers comme de l'aîné. Espèce d'enfoiré, essaye d'avoir un peu de respect pour tes aînés. Car chez moi rien de malsain, mais afin d'arriver à mes fins, je me suis équipé dans le son pour tout faire péter. C'est le fumeur de rime qui lâche la rime en longitude, ou l'attitude qui prend l'attitude sans jamais continuer. Vu qu'on vient de la banlieue sud, là aussi rude, ça se ressent dans nos attitudes. Y'en a qui trop du réconfort quand ils se maturent. Y'en a d'autres pour des thunes qui t'entubent et rentrent dans la tête. Cocoette, ça s'équipe de lance-roquettes pour accéder à leur requête. J'arrive lourd sur la piste, tire avec un gros calibre. Va falloir brouiller les pistes, une fois mort on se prête en livre. Livre, ta dose au client, avant de partir, une dernière balle je tire. Fous les putes dans le coffre de la rire. Lourd sur la piste, tire avec un gros calibre. Va falloir brouiller les pistes, 9-2-9-4 Holster, F2R, KRM, la tubeur. Ban lyrics, full egg, 2005 on dit quoi. Élevé chez les smicards, j'ai jamais connu le Ricard. Histoire de brancard, de couche tard, tout ça au cuftard. Je crois que je fais exprès de dire des choses obscènes. Holster, austère, tout ça dans les hautes scènes. Moi je danse dans la cave, moi je danse avec la mort. Moi je braque, boîte des nards pour représenter les Comores. Moi je fais du mal en rappant et t'es consentant. Les consentants, des mecs de marée m'entendent. Aïe mec, ça sent la poudre. Et ouais, plus rien à foutre, tu peux pas me tèche. J'électrise le son avec la foudre. Un foudre de guerre qui décharge toute sa colère. J'ai des pulsions meurtrières, vas-y prépare ta prière. À l'heure où tu m'écoutes, beaucoup s'en battent les couilles de leur vie, de mes toubes. Porte le calibre du zboub, t'es pas mon pote, bâtard. Comme cette miche teneuse, je le vois dans ton regard, tu vas manger de ma gazeuse. J'arrive lourd sur la piste, tire avec un gros calibre. Va falloir brouiller les pistes, une fois mort on se met en livre. Livre, ta dose au client, avant de partir, une dernière balle je tire. Fous les putes dans le coffre de la rire. J'arrive lourd sur la piste, tire avec un gros calibre. Va falloir brouiller les pistes, 9-2-9-4 Holster, F2R, KRM, la tubeur. Ban lyrics, full egg, 2005 on dit quoi. Ils sont organisés comme pour un gros braquage. Massif tel un nid guêpe, trop de violence à notre âge. Et puis, méfie-toi de la piqûre. Reviens ici, c'est pas fini, mes rimes coûtent ceinture. Insolent de l'interrogatoire au purgatoire. Mes rimes brisent tes faux espoirs, MC. C'est pas un tour de cheval, mais sur ma grosse bite, de trois rimes tu deviens tout pâle. Avoue que tu kiffes, comment je kick sur speed. Ton style, il ne m'importe que dalle. Et je finirai pas bouffé quand j'aurai la dalle. Tu vas comprendre comme un casse-tête. Même si je te casse la tête, pour moi pas la peine de se la péter. Tu sais que mon style pète, pète. Dans tes oreilles ou dans ton cul, frappe fort dans tes enceintes. Même si clash pas, j'ai peut-être mis ta sœur enceinte. Désolé pour ces obscénités, dans le rap on m'a pas enseigné l'humilité.